Quand j'ai quitté le Banks, ça s'appelait même pas encore le Banks. Des yeux rivés vers le ciel tiède, j'ai vu la misère nous tenir en laisse. Pas de carte donc j'ai payé en S. Soirée privée mais je suis pas le guest. Je prends des coups, je parle, peu j'encaisse. Paris Centre c'est le phare en S. Je roule sans phare sur les quais, je croise quelques poliquets. Trop de sauces qui se sont niquées, je parle aux aïe comme un sonniqué. Bagarre après bagarre, en Valka dans une Valka. J'ai voulu dans du vacarme, je sens pas c'est le karma. Une petite pièce bloque à manivelle et m'empêche de rouler en Maybach. Me force de dire que la vie est belle, faut pas que le type suive mes pas. Ça a l'air d'un intérimaire, à deux doigts de se interner. Le succès à quelques centimètres. J'suis Odina Odi, Odina Odi. De projet en projet, nous devient Odina Odi. Y'a trop de balles qu'en ricochet, donc bientôt j'vais raccrocher. Trop de ce cas j'ai coché, monte à bord j'vais te déposer. Je suis un Odina Odi, hey, Odina Odi. De projet en projet, nous devient Odina Odi. Y'a trop de balles qu'en ricochet, donc bientôt j'vais raccrocher. Trop de ce cas j'ai coché, monte à bord j'vais te déposer. Pas de jazzer, n'a pas de jazzer. Fais-le, dis pas j'essaie. Jazzer dans le désert. En volcan et la SACEM, ça cartonne car c'est sincère. Cancer jusqu'à Saint-Cyr, on s'en sort, on est sensible. Y'a pas eu besoin de baisser son slip. Mauvaise onde dans le périmètre, même prêt avant de père et mère. Cœur noir voire périmé, glacial comme les Pyrénées. À se demander si ça veut saboter mon boulot, m'empêcher d'avancer, de toucher le gros lot. Le projet dans le fourreau, tu danses et le dumbolo. Depuis quelques temps c'est plus la même. Une petite pièce bloque à manivelle et m'empêche de rouler en Maybach. Me force de dire que la vie est belle, faut pas que le type suive mes pas. Ça a l'air d'un intérimaire, à deux doigts de se interner. Le succès à quelques centimètres. J'suis Odina Odi, Odina Odi. De projet en projet, nous devient Odina Odi. Y'a trop de balles qu'en ricochet, donc bientôt j'vais raccrocher. Trop de ce cas j'ai coché, monte à bord j'vais te déposer. Je suis un Odina Odi, hey, Odina Odi. De projet en projet, nous devient Odina Odi. Y'a trop de balles qu'en ricochet, donc bientôt j'vais raccrocher. Trop de ce cas j'ai coché, monte à bord j'vais te déposer.